Le blues, né en Afrique, a essaimé, a évolué, a engendré de nouvelles musiques, le rhythm and blues, la soul, le blues rock et la liste est longue. Dans Hexagon Blues, je vous parle des musiciens français qui représentent encore actuellement cet éventail musical issu du blues. Le groupe parisien Little Odetta, à qui j'ai déjà consacré un Hexagon Blues, sort son deuxième album, Little Bit of Soul. Leur rock est toujours aussi péchu, groovy et teinté de soul. 11 titres, 11 compos pour un regard critique sur notre société posé par Audrey Leury, qui est au chant et à l'écriture. Ce monde auquel il faudrait rajouter un peu d'âme et beaucoup moins de virtuel, d'où le titre éponyme « Little Bit of Soul ». Woo! continue très fort avec le titre qui ouvre cet album et son intro digne des plus grandes chanteuses de soul. Puis on lâche la machine pour No Medication qui nous propose d'arrêter certains médicaments pour reprendre nos vies en main. Toujours extrait de Little Bit of Soul, le nouvel opus de Little Odetta, un titre plus enjôleur mené par la section rythmique, une chanson qui vous invite à nous libérer de la routine. Voici Out of Game. Yeah. It's just the same, it's like an ecstasy. Little Oneta nous vient de la région parisienne. Le groupe existe depuis 2019. Il a été fondé par Audrey Lurie, la chanteuse, et Lucas Itier, le guitariste, à qui se sont joints Fabien Rault, le batteur et percussionniste, Aurélien Herson-Macarel à la basse et Florian Chignon au clavier. Le combo avait sorti un premier album fin 2021, tout simplement intitulé Little Odetta. Sur Little Bit of Soul, on retrouve encore une belle alchimie de tous ces musiciens. Je vous laisse avec Who's God Answer. Who's not a sinner? Who's not a preacher? Who's not a player? In this game we're just beginners. Who's not a teacher? Who will be under pressure? Come on the radar. Time's up, see you later. Tell me who has been a loser and who's not a power. In the end doesn't matter at the very darkest hour. Are we yearning for a savior? Who do we trust who takes us higher? Look around, we all liars, masking the foes, walking the wire. Tell me who is not a maker, who's not a fighter. Will there be a winner when the fight is now over? Who's got the answer? Tell me if it's something up to you and me. Que le band est à son apogée. Les musiciens dégagent une grosse énergie. La chanteuse est survitaminée. Elle arpente les planches, harangue le public. Bref, leurs concerts sont très chauds et nous laissent plus qu'enthousiastes. Imaginez-vous devant ce sweet release endiablé. I just just wanna tell you about my favorite recipe. Something sweet and tasty that I will melt your heart away. I just wanna tell you, I crave it more than anything. Every bite of that truth makes my soul take wind. C'était Hexagon Blues consacré au groupe parisien Little Odetta, une émission de Marie de Béthère.